Chapitre 3e. Un an, un mois et un jour après la scène que nous venons de décrire, la veuve du marquis Coindry, assise dans un frais boudoir de sa villa, attendait, non sans quelque anxiété, la visite du signor Penny, que le notaire du marquis était venu officiellement lui annoncer. Les intentions du vieux dilettante avaient été ponctuellement remplies. Le nouveau Raphaël, après avoir terminé sa farnésine, avait été déclaré, par le tribunal nommé à cet effet par le marquis, digne du prix plus que royal que celui-ci y avait attaché. En vertu de ce bizarre testament dont Luc ne déparlait pas depuis un an, le seigneur Penny était autorisé par le défunt à épouser la belle et riche veuve, car le marquis, content d'avoir gagné l'enjeu qu'il avait mis pendant sa vie sur cette carte fragile, la vertu d'une femme, se serait bien gardé de vouloir le tenir encore après sa mort. D'ailleurs, laisser la marquise libre était pour lui un moyen d'être moins oublié. En lui donnant un successeur, on songerait peut-être au moins qu'il ne l'avait pas défendu. La main de la marquesina, avec tout l'héritage du vieux marquis, devait donc, si elle y consentait, constituer les honoraires du jeune peintre. Dans le cas contraire, 100 000 scudi devaient lui servir de dédommagement. Le jour fatal fixé d'avance par le marquis, qui avait voulu régler lui-même tout le cérémonial, Gelsomina, assez coquette pour n'être pas parée, attendait le signor Penny. Nous n'essaierons pas de dépeindre les longues anxiétés auxquelles était en proie la marquise depuis qu'elle connaissait cet étrange testament. Entre les 1000 pensées qui l'agitaient, une seule faisait taire toutes les autres. M'aime-t-il? Est-il capable d'aimer autre chose que la peinture? Étrange question à laquelle le miroir de la belle veuve était de temps en temps chargé de répondre. Quant à Penny, insoucieux comme un artiste, lorsque l'exécuteur du vieux marquis lui apprit le legs qui le concernait, il s'étonna de n'en pas ressentir plus de joie. Certes, jamais rien de plus beau que la marquise ne s'était offert à lui dans ses songes, endormi ou éveillé. Jamais sourire plus céleste n'avait ouvert les cieux à une imagination de poète. Et cette femme-là allait être à lui pour jamais, à lui à la face du monde, avec son merveilleux cortège d'élégance, de luxe et de poésie. Ce modèle, dont Raphaël eut payé 1 heure au prix d'une de ses plus belles pages, allait poser devant lui à toutes les heures du jour et de la nuit. Car dans cette femme si belle qu'elle était à lui, ne croyez pas qu'il vit, même en ce moment, autre chose qu'un modèle. Sans un but d'art et d'étude pour lui, qu'était-ce que l'amour? Des heures perdues dans la vie, un vol fait à la peinture, une rivale donnée à sa première, à sa seule maîtresse. Bien loin de songer à aimer la marquise, il s'effrayait presque de cette idée. Il lui volontiers eut peur de ses grands yeux bleus avec lesquels il allait encore une fois se retrouver face à face, sans une palette cette fois pour lui servir de contenance. Aussi le cheval qui le traînait encore sous l'avenue de peupliers qui conduit à la villa n'avait pas besoin de voler pour répondre à son impatience. La main insouciante du jeune homme ne venait plus gourmander sa paresse. Et quand les blancs portiques du casino brillèrent à travers le feuillage, le peintre, effrayé d'avoir sitôt une décision à prendre, eut volontiers fait rebrousser chemin au cheval pour ménager 1 heure de plus à ses incertitudes. Mais il n'était plus temps. La grille massive du portique avait déjà crié sur ses gonds à la vue de l'étranger qu'on attendait sans doute. Il n'y avait plus moyen de reculer. Des serviteurs empressés venaient, en redoublant de respect et d'un air qui voulait être significatif, saluer leur nouveau maître. Le jeune homme, rappelé par leur présence au sentiment de sa position, s'arma de courage dans ce moment décisif. Et traversant le flot bigarré de livrées qui s'ouvrait devant lui, il fut au bout de quelques instants en présence de la signora. En l'apercevant, son premier mouvement, sa première pensée fut de se dire tout bas « Qu'elle est belle !» En effet, la beauté de la marquise, mûrie pour ainsi dire et reposée, avait pris dans la retraite un caractère plus imposant. Avec son veuvage, Gelsomina, en dépit de ce nom de signora qu'elle portait sans y avoir droit, n'était qu'une jeune fille à la vive démarche, au svelte corsage, aux traits mobiles et impressibles, qui ne savait pas même garder le secret des émotions qu'ils éprouvaient. Maintenant, c'était une femme au port majestueux, à la taille plus riche et plus pleine, au sourire qui disait plus de choses, au regard qui en laissait plus deviner. Un soin de sa beauté plus réfléchi, plus artiste en quelque sorte, trahissait cette étude secrète dont nous savons tant de gré à une femme jolie. Cette intelligence profonde de sa beauté et cette science difficile de la faire valoir, que les profanes appellent coquetterie, et que la longue oisiveté du cloître avait sans doute apprise à Gelsomina. À l'aspect du peintre, elle se leva à demi de son fauteuil, avec cette nonchalance coquette d'une femme qui sait que sa pose lui sied bien et craint d'en déranger l'effet. Elle ne parla pas, mais son regard preste et furtif l'effleura tout entier des pieds à la tête, comme pour comparer les souvenirs avec la réalité, et son beau front se teignit d'un léger incarnat, mais si rapide, si fugitif, qu'une feuille de rose tombant sur la surface d'un lac eût fait une impression plus profonde. Ce fut là tout. Passé le premier regard, la marquise fut maîtresse d'elle-même et garda sur Penny cet incontestable avantage qu'aura toujours dans une lutte de ce genre toute femme qui se sait jolie et qui, sentant sa force, comme un ennemi retranché dans un terrain bien fortifié, attend patiemment qu'on l'y attaque. La porte qu'on refermait sur eux venait à peine de retomber, et déjà, par un regard rapide et mutuel, et une perception plus rapide encore, l'un et l'autre avaient échangé ensemble une foule de sentiments et de pensées. Pendant ce dialogue muet et sympathique, une de ces conversations insignifiantes que l'on pense avec les lèvres s'établit entre les deux personnages. Mais leur âme n'y était pas. Chacun se méprenant sur les intentions de l'autre, et peut-être aussi sur les siennes, voulait éviter d'aborder le premier une question plus difficile peut-être à entamer qu'à résoudre. Après quelques phrases sans importance, la conversation était tombée à plat, comme une balle que personne ne relève. Le lévrier favori de la marquise, étonné de ce silence, cherchait à attirer l'attention de son ancien ami en plongeant dans sa main son museau long et effilé. « Et quoi, mon pauvre Bianco, tu me reconnais encore ?» murmura celui-ci pour dire quelque chose. Chose étrange, ce peu de mots blessa jusqu'au vif la marquise et vint l'affermir dans sa résolution de ne voir dans tout ceci qu'une affaire qu'il fallait expédier le plus vite et avec le moins de mots possible et où tout l'avantage serait du côté de celui qui commencerait le premier. « On vous a sans doute fait part du testament de mon noble époux ?» demanda la marquise en caressant Bianco. Un oui et un léger sourire furent toute la réponse du jeune homme, mais ce sourire n'échappa pas à la marquise. « J'ignore quels sont vos projets, messire Penny, » continua-t-elle, « et jusqu'à quel point vous entendez profiter des intentions généreuses du marquis. Mais en attendant votre décision, voici la mienne. N'essayez pas de la faire changer, elle est irrévocable. » Le cœur du peintre battit vivement. On eut presque entendu les pulsations de ses artères, mais il ne prononça pas un seul mot. La voix de la marquise était nette, brève et distincte. Il y avait dans cette voix, si douce d'ordinaire, quelque chose de vibrant et de métallique qui faisait frissonner. « Un caprice de mon époux a disposé de moi. Toutefois, en me laissant libre d'accepter ou non la place qu'il m'assigne comme un de ces tableaux qui va passer dans la galerie d'un autre. Soit. Je ne proteste pas contre cette décision, mais j'y mets une condition. Nul ne m'en disputera le droit, je pense. « Vous acceptez donc, madame ?» dit Penny en homme effrayé de son bonheur, et avec un mélange comique de joie, d'étonnement et de terreur. Mais la marquise le tira d'embarras. « J'ai parlé d'une condition, messire Penny. Vous ne pouvez me considérer comme ayant accepté le marché, » et elle appuya sur le mot, « que quand vous aurez souscrit vous-même à cette condition. Vous aimez la peinture, n'est-ce pas, seigneur ?»« Plus qu'aucune autre chose ici-bas, » s'écria le peintre avec un élan de vérité dont il se mordit aussitôt les lèvres en voyant se contracter le beau front de la marquise. « Ah, pardon !» ajouta-t-il, le moins maladroitement qu'il lui fut possible. « Mais vous n'êtes pas une chose, vous, madame. » « Le seigneur Marchese a pourtant jugé à propos de me traiter comme tel, » répliqua la veuve avec un sourire aigre-doux. « Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous aimez la peinture plus que toute autre chose ici-bas. Ah, vous ne pouvez pas vous en dédire, eh bien, je vais vous parler franchement aussi, moi. Si je venais à me remarier, je ne veux pas être pour mon mari la seconde chose du monde. » « Et je dois conclure de là que vous me refusez ?» demanda modestement le peintre. « Mais je n'ai pas dit, ce me semble, un mot qui ressembla, » répliqua sèchement la marquise. « Non, messire, cela dépend de vous. Mais, pour en finir en deux mots, celui qui veut être mon époux doit choisir entre la peinture et moi. Je ne veux pas de rival sous mon toit, entendez-vous » À cette prétention inattendue, la figure du peintre offrit l'emblème de la consternation la plus profonde. « Renoncer à la peinture » répéta-t-il deux ou trois fois. Mais vous ne parlez pas sérieusement, signora. On ne peut plus sérieusement. Je hais la peinture, moi. Que voulez-vous ? Après avoir été obligé de l'aimer 3 ans par dévouement, je n'ai pas trop de toute ma vie pour la détester. » Le peintre, de plus en plus consterné, regarda cette femme qui venait de médire de la peinture. Peu s'en fallut qu'il ne la trouve à l'aide. Cependant, il voulut faire un dernier effort, sans trop de bonne foi peut-être, mais c'était une dette qu'il payait au marquis. « Mais, madame, de grâce, si je vous promettais, si je vous jurais que la peinture ne viendra dans mes affections que bien loin après vous, qu'elle n'aura jamais de moi que les heures dont vous ne voudrez pas, vous me jureriez tout cela que je n'en croirais pas un mot. Sans douter pour cela de votre bonne foi. Mais il ne faut promettre que ce que l'on peut humainement tenir. Peintre, vous êtes né, messer, Penny, et peintre, vous resterez. Et quand je vous ferai cette promesse sacrilège, serais-je davantage en état de la tenir ? De grâce, madame, réfléchissez un instant. » Penny cherchait à obtenir quelques concessions, un homme qui va céder lui-même. La marquise se sentit forte et ne céda rien. « Ma décision est irrévocable, » répéta-t-elle du ton le plus solennel, en secouant sa jolie tête, grave et inexorable comme un front de juge. Le jeune homme frissonna, car il y avait dans cet œil de femme, si caressant naguère, quelque chose de sec et d'arrêté, et je ne sais quel froncement de sourcils à faire glacer le sang dans les veines du plus brave. Penny comprit que de ce côté-là, il n'y avait plus rien à espérer, ni ménagement, ni terme moyen, et que chaîne ou roseau, il fallait rompre ou plier. En homme de cœur, il aima mieux rompre. Avec cette perception rapide et nette que donne une situation désespérée, il entrevit d'un coup d'œil tout ce qu'il perdait, mais il n'hésita pas. « Madame, » dit-il avec une fermeté froide qui fit à son tour tressaillir la marquise, « la récompense que votre noble époux avait bien voulu m'accorder était trop au-dessus de mon faible mérite. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Je ne suis qu'un peintre, signora, qu'un pauvre peintre, dont l'affaire ici-bas n'est pas d'être heureux, mais de peindre, mais d'accomplir sa mission, quelle qu'elle soit, éclatante ou ignorée, humble ou modeste. En m'en faisant souvenir, c'est un triste mais salutaire service que vous venez de me rendre. Recevez-en mes remerciements. Si mon art, jaloux comme une femme, comme une amante, m'interdit le bonheur d'être à vous, aucune femme, du moins, je le jure, ne remplacera dans mon cœur. Allez porter vos serments à votre maîtresse, à la peinture, » interrompit vivement la marquise, se hâtant de se lever pour ne pas s'attendrir, car il y avait dans la voix du jeune peintre, soit regret, soit politesse, plus d'émotion qu'elle n'en aurait attendu de lui. Le peintre sentit que c'était son congé qu'on lui donnait. Il se leva à son tour, mais en hésitant et en manquant tout à fait de cette présence d'esprit qui n'abandonne jamais les femmes dans les moments les plus difficiles. Il chercha son chapeau, renversa une chaise pour le prendre et s'approcha pour saluer la marquise avec toute la grâce et l'aisance d'un écolier qui entre dans un salon pour la première fois de sa vie. Elle était toujours debout devant lui, armée d'un sourire moqueur qui lui servait de contenance. Le jeune homme, prenant son courage à deux mains, se prit à la regarder en face comme une femme qu'il voyait pour la dernière fois de sa vie. Jamais elle ne lui avait semblé aussi belle. Un léger incarnat couvrait ses joues un peu pâlies, mais fraîches, et reposées par la vive molle du cloître. Son beau front, que le peintre, dans ses sonnets, avait comparé plus d'une fois à une onde paisible que ne plisse aucune ride, eût fait mentir cette fois la comparaison. Le sourire qui tendait cette petite bouche rosée était un peu forcé, et un léger mouvement convulsif de la lèvre supérieure trahissait sous ce sourire plus de dépit qu'on en eût voulu laisser voir. Tous deux gardaient le silence. Quelles que fussent les secrètes pensées qui agitaient la marquise, l'orgueil blessé venait à son secours. Mais Penny, qui venait de refuser ce legs qui eût fait envie à tant d'autres, Penny, qui avait joué le beau rôle dans ce débat, Penny, au moment de quitter cette femme qui avait pu être à lui et qu'il venait de refuser, se sentit pris d'un de ces longs regrets qui suivent presque toujours une décision irrévocable. Ses yeux, ce livre où une femme sait si bien lire l'âme de celui qui lui parle, trahirent sans doute son secret, car un léger triomphe se peignit dans ceux de la marquise. Sans trop savoir ce qu'il allait faire, le peintre s'approcha pour lui baiser la main, suivant cette mode italienne, si pleine d'expression et de grâce. La marquise sentit qu'elle allait faiblir, Elle la retira vivement et, saluant le peintre d'un de ses plus beaux saluts de cour, elle releva sa jolie tête d'un air de reine qui prend congé de vous, ou plutôt qui vous le donne. Le peintre comprit que tout était fini et, se relevant avec effort, comme un ressort qui se tend jusqu'à ce qu'il se brise, il répondit par un salut aussi majestueux que le sien et quitta l'appartement d'un pas ferme et qui faisait honneur à sa résolution. À peine arrivé à la dernière porte du palais, le peintre se demandait déjà s'il avait bien fait de refuser la marquise. Mais avant d'avoir atteint celle de la villa, il était décidé. « Je suis un insensé !» s'écria-t-il quand la lourde grille de fer se referma derrière lui et que l'œil curieux des laquais ne scruta plus son visage. « Je suis un insensé de n'avoir pas tout promis au risque de ne rien tenir. Qu'était-ce après tout ? Un caprice de grande dame, une jalousie de femme, que 6 mois d'amour eussent rassuré et qu'eût pardonné à la peinture quand elle eût été bien sûre de l'emporter toujours sur une pareille rivale. Car enfin, je l'aime à en perdre la tête, cette femme dont je n'ai pas voulu, cette femme qui m'eût aimé peut-être si j'eusse voulu lui sacrifier une toile morte et des pinceaux impuissants. Et qui suis-je donc pour la refuser, elle à qui un roi vendrait son trône pour un sourire ? Qui suis-je, un misérable barbouilleur, un copiste, dont elle seule avait fait un peintre et qui sans elle va retomber bientôt dans sa nullité première? Je n'ai plus de talent, je le sens. Le génie s'est retiré de moi avec celle qui me le prêtait. Si encore elle m'eût aimé, la peinture, la gloire, l'avenir, j'eusse tout donné pour un regard de ses yeux. Un regard! Et malheureux, es-tu donc aveugle et sourd à ce que te disaient les siens? Elle-même, je n'en peux plus douter. Sa froideur même me le prouve, son dépit, sa dureté, ses exigences, tout cela c'était de l'amour, et moi qui l'ai refusé, moi qui repoussais ce bonheur comme un pauvre qui repousserait une aumône, et pour qui? Pour une misérable gloriole, pour un art que je ne suis plus digne d'exercer, pour un métier machinal comme celui du barbouilleur d'enseigne. Redevenir un copiste, moi qui fus un peintre, louer un modèle à un scout de pareur, moi pour qui épouser la marquise à Quadri. « Ah, je deviendrai fou, je le sens !» Telles étaient les idées consolantes qui accompagnaient le peintre dans son voyage, et en cheminant sur les épais peupliers qui bordent la route de Luc, il frappait sa tête de ses deux mains, épuisait le riche vocabulaire de malédiction de la langue italienne, et faisait arrêter ébahis les paysans qui le rencontraient et s'écriaient « E pazzo o poeta ?» Il est fou ou poète ? Il se calma pourtant avant d'arriver à Luc. 7 ou 8 milles en plein air, sous le frais ombrage des peupliers, avaient un peu tempéré cette exaltation juvénile. À cet ardent paroxysme de la passion avait succédé ce morne abattement qui suit la fièvre, ce calme nauséabond qui vient après l'ivresse. La vue des hommes lui faisait mal. Le tumulte de ses rues, ou le doigt du passant qui le désignait jadis en disant « c'est lui », le faisait tressaillir d'une orgueilleuse joie. Lui était à charge aujourd'hui. Il se hâta de rentrer chez lui. Le soir approchait. Un soleil chaud et vaporeux, envoyant ses derniers rayons sur quelques ébauches commencées, semblait l'inviter à les finir. On eût dit que sa première amante, la peinture, lui tendait les bras pour le consoler des rigueurs de l'autre. Son âme de peintre entendit cet appel, et saisissant ses pinceaux avec une volupté amère, il essaya de redevenir ce qu'il avait été, un peintre. « Viens, » se disait-il en broyant ses couleurs, « viens, toi qui ne me trahiras pas, toi, ma première maîtresse, celle que je n'aurais jamais dû quitter. Accueille un infidèle qui te revient. Fais-lui oublier des peines que tu lui eusses épargnées s'il ne aimait que toi. Gloire, mon ancienne idole, daigne me sourire encore, et que le sourire changeant d'une femme ne me détourne pas de toi. » Et en parlant ainsi, sa main tremblante d'une émotion nerveuse écrasait les couleurs sur la toile avec une impatience presque convulsive. Il s'arrêta enfin pour jeter son regard de juge sur ce qu'il avait fait, car le peintre, fasciné par l'œuvre à laquelle il travaille, finit souvent par ne plus la voir et a besoin de se reculer à distance pour retrouver son coup d'œil. Il fut honteux de ce qu'il venait de faire. Une exclamation de dégoût s'échappa de ses lèvres à la vue de cette ébauche où semblait être passé le désordre qui régnait dans son âme. Le pinceau, égaré comme la main qui le conduisait, semblait n'avoir marché que par bonds inégaux, en dépassant presque partout l'effet qu'il voulait produire. C'était une débauche de génie, une orgie de peinture, un croquis délirant comme ceux de Gallo ou de Salvatore Rosa. Penny se détourna avec dégoût. Il rejeta loin de lui les pinceaux qu'il venait de profaner. « C'en est fait, s'écria-t-il, Mon talent est perdu. Elle l'a tué d'un regard. Elle s'est vengée de mon refus en me reprenant le génie qu'elle m'avait donné. » Et l'œil fixé tristement sur cette toile qui accusait son impuissance, il y cherchait ses défauts avec l'impitoyable sagacité d'un juge ou d'un rival. Il trouvait à les détailler je ne sais quel amer plaisir. Il se rendait à lui-même en quelque sorte les dédains qu'il avait fait subir à la marquise. Enfin, il n'y tint plus, et quittant avec la précipitation du désespoir cet atelier où s'était écoulé pour lui tant d'heures pleines d'espérance et d'avenir, il se mit à rôder comme un insensé dans les rues de Luc, errant partout où il pouvait retrouver une trace, un souvenir de Gelsomina. Il passait sous les fenêtres de la Casa Montecatini, rêvant encore ses salons étincelants du feu de mille bougies, ces femmes radieuses et parées, dont les seins légers se pressaient en tourbillonnant, comme des abeilles dans une ruche, sveltes, bourdonnantes et joyeuses comme elles. Et Gelsomina plus svelte, plus gracieuse, plus belle que toutes ces femmes, effleurant à peine le parquet de ses pieds harmonieux, fraîche et riante apparition, moins semblable à un être vivant qu'à un de ces fantômes légers que le chant du coq fait évanouir. Puis, enivré de ces souvenirs si vivants, si présent encore que ses yeux lui faisaient mal à les regarder, il essayait de leur échapper, épouvanté de leur réalité et irrité de leur désespérante exactitude. Il s'enfonçait en courant dans les rues les plus obscures de Luc, espérant fuir sa mémoire comme on fuit un ennemi. Il errait sur ce magnifique rempart circulaire qui fait le tour de la ville, comme pour dérouler mieux aux yeux de ses habitants le riche amphithéâtre de montagnes qui l'entoure. Mais là encore, Gelsomina semblait le poursuivre, opiniâtre, assidue, vengeresse, comme une amante dédaignée. À la pâle clarté des étoiles, il découvrait en frémissant le blanc fantôme de sa villa, fantastiquement revêtue de sa ceinture d'olivier. Ses yeux, fascinés par je ne sais quel magique attrait, se retournaient sans cesse de ce côté pour y chercher des tortures, attirés et repoussés à la fois par les amers et doux souvenirs que cette vue lui rappelait. Ce ne fut que bien avant dans la nuit, lorsque ses membres brisés, plus encore par tant d'émotions que par tant de fatigue, lui rappelèrent enfin qu'il n'était pas de fer, qu'il se décida à rentrer chez lui, pâle, défait, épuisé, le corps brûlant de fièvre, et pourtant heureux de cette secrète volupté que l'on trouve dans les peines du cœur à se sentir broyé sous elle, comme un ver sous le pied du passant, et à rendre au corps toutes les tortures que l'âme nous fait subir. Car enfin, pauvre jeune étudiant, dont le cœur n'avait jamais battu que pour sa toile et ses pinceaux, dont les rêves et les ambitions juvéniles étaient toutes de gloire et d'avenir, c'était la première fois qu'il aimait. Aussi y avait-il pour lui un charme indicible et ignoré, un charme dont il s'étonnait lui-même, dans ces peines d'amour qui renferment à elles seules plus de bonheur que toutes les joies d'ici-bas. Le corps brisé, l'âme abattue, il était heureux encore, heureux de sentir, de vivre, de souffrir, et lorsqu'il reposa sur son lit, succombant sous le poids des sensations et des fatigues de la journée, il s'étonna de se trouver le cœur plus léger, comme un homme qui accomplit sa tâche. Il avait souffert, il avait vécu tout ce qu'un homme peut vivre et souffrir dans une journée. La nature lui devait une trêve après tant d'émotions, elle la lui donna. Un sommeil profond et presque léthargique, en réparant ses forces épuisées, vint faire de lui un homme nouveau et effacer la trace des peines de la veille. Tant il y a dans notre bizarre nature humaine de sève et d'élasticité pour la peine comme pour le plaisir. Tant c'est mentir à notre destinée ici-bas que de mettre le bonheur dans l'absence de toute émotion, et de vouloir faire de cette vie quelque chose d'aussi monotone qu'une mer sans bourrasque ou qu'un ciel sans nuages. Ainsi se passa le premier jour. Le second, Penny, en s'éveillant, la tête aussi lourde que le lendemain d'une orgie, se résolut à faire un effort désespéré pour arracher de son sein cette passion qu'il remplissait tout entier et n'y laissait plus place pour une autre pensée. Le seul moyen d'y parvenir, c'était de se plonger dans quelque occupation passionnée qui l'absorba tout entier et ne lui laissa ni une heure ni une pensée à donner à Gelsomina. Or, cette occupation, quelle pouvait-elle être pour Penny, sinon la peinture, qui avait si délicieusement rempli les premières années de sa vie, sans lui laisser une heure de langueur ou d'ennui? Le galérien enchaîné à son banc, le laboureur à son sillon, qu'ils arrosent de leur sueur tant que le jour dure, n'ont pas beaucoup de pensées à donner à des peines morales. Leurs fibres s'émoussent sous la pression de ce travail continu qui pèse sur tous leurs muscles et dépense en sueur toutes leurs facultés sensitives. Eh bien, Il fallait que Penny s'enchaînât à son tableau comme l'ouvrier à son ouvrage, comme le galérien à son banc, qu'il émoussât sous un travail obstiné, art et métier tout ensemble, cet excédent de vie qui l'inondait et qui, déversé sur sa toile, devait la couvrir de chefs-d'œuvre. Mais point de trêve, point de repos, il fallait que le soleil en se levant le trouvât à son ouvrage et que l'Ave Maria l'y rencontrât encore, attendant la nuit pour le quitter. Pour lui, désormais, plus de distractions, plus de molles rêveries, plus de douces pensées. Une voix impitoyable, comme le fouet du commandeur, devait dire au forçat, rame, au peintre, travaille et ne pense pas. Mais ce n'était pas tout. La nuit restait encore. La nuit, avec tout son cortège de brûlantes insomnies, de pensées amères et douces, qui hantent la couche sans sommeil et l'oreiller semé d'épines, où l'âme se retourne en même temps que le corps, et comme dit le vieux Dante, « Spera, iguis ad inferno, cambiar di mal, perché cambia di lato. » Cette nuit, il fallait la remplir pourtant. Eh bien, l'orgie n'était-elle pas là? L'orgie avec les joyeux compagnons, les vins fumants, les femmes échevelées? L'orgie, cette poésie de la débauche, où le chaste pinceau de Penny avait jusqu'ici dédaigné de se retremper, l'orgie que ses joyeux camarades lui montraient comme le prisme à travers lequel il fallait regarder l'art et la vie, comme le plomb qu'il fallait attacher aux ailes de l'enthousiasme quand elles égarent l'artiste au lieu de l'emporter vers les cieux. Lui, que leur raillerie sans voile et sans pudeur faisait rougir jadis d'un incarnat qu'eût fait honneur aux joues d'une jeune fille, il allait les dépasser tous dans cette voie où il entrait le dernier. À lui désormais, dans le festin la plus large coupe, la courtisane la plus belle et la plus éhontée, le verbe le plus haut dans l'ivresse, l'épée la plus affilée dans le duel. Il allait vivre enfin, vivre la vie dans toute sa plénitude, à table la nuit, à l'atelier le jour, et trouvant entre les deux, s'il se pouvait, quelques heures pour le sommeil. Le bruit de ses débauches, ou celui de sa gloire, arrivait aux oreilles de Gelsomina, celle-ci comme un défi, celle-là comme un remords. « Voilà donc l'homme que j'ai dédaigné, » se dirait-elle. Son nom emplit la Toscane. La renommée se lasse à répéter partout sa gloire et son infamie. Mais sa gloire vient de lui, elle est son ouvrage. Tandis que son infamie, c'est à moi qu'il la doit. C'est moi qui l'ai jeté sans pitié dans cette voie de perdition, où le talent s'use comme le corps, sous la roue de fer, où le broie la débauche. Je me suis retiré de lui, et il est tombé comme l'ange déchu, emportant avec lui un souvenir de ce ciel pour lequel il était fait, et l'empreinte du génie qu'au fond même de sa fange, il porte encore gravée sur son front. À peine sa résolution prise, Penny, qui doutait d'elle peut-être, s'élança de son lit pour l'exécuter. À demi vêtu, il s'assit devant son chevalet, en rejeta dédaigneusement le tableau ébauché qu'il avait gâté la veille et le remplaça par une large toile neuve avec l'empressement d'un écolier qui prépare un cahier neuf pour le thème qu'il ne fera pas. Quant au choix du sujet qu'il allait traiter, Penny n'y avait pas même songé jusqu'au moment où il s'assit en face de sa toile. C'était quelque chose sans doute qu'une toile, une palette et cette ferme volonté de faire un chef-d'œuvre, sans parler de cette rage sourde et concentrée qui prêtait à sa résolution une nouvelle énergie. Mais encore, son pinceau fut-il animé de toute la fourria du ciseau de Michel-Ange, il fallait savoir sur quel sujet se répandrait cette fougue impatiente, cette fébre pittoresca que le jeune peintre sentait bouillonner dans ses veines. La matière était grave. Penny, l'œil vaguement fixé sur cette toile blanche, se prit à y réfléchir. La mythologie, le christianisme, l'histoire ancienne et moderne, les fées, les muses, les anges et les naïades, et toutes les fantastiques créations des deux cultes défilèrent successivement devant lui. Pendant cette longue revue, où les formes vagues des madones de Sanzio et des démons de Buonarroti venaient tour à tour flotter devant ses yeux, sa main inconscieuse esquissait sur la toile des traits que son œil ne voyait même pas. L'exécution venait en attendant la pensée, la main travaillait, à compte sur la consigne que la tête devait lui donner. C'était l'oisiveté de l'artiste, semant la vie comme Dieu, même dans son repos, oisiveté pleine de travail, repos plein de mouvement, silence empreint de pensée, où le génie, dove-like, comme l'Esprit Saint de Milton, semble couver sur l'abîme. Tout à coup Penny, sortant de sa profonde abstraction par un de ces brusques soubresauts, où le corps, pareil au geôlier happant un détenu qui s'évade, semble en quelque sorte ressaisir l'âme qui lui échappait, rentra dans la vie réelle. son monde idéal disparut devant ses yeux. Il vit, il entendit, il regarda. Mais quelle ne fut pas sa surprise en revoyant sur sa toile, dans une ébauche grossière mais pleine de feu, les traits adorés, les traits si connus de Gelsomina, qui semblaient d'eux-mêmes s'être placés au bout de son pinceau. Comment est-elle venue là? Fut son premier cri, sa première pensée, et puis il se rappela, par une sorte d'effort sur lui-même et d'intuition dans les vagues souvenirs de son rêve, que tandis que son âme voyageait dans les espaces imaginaires, sa main avait dessiné quelque chose par cette espèce de routine machinale qui survit à l'impulsion de la pensée. Quel était ce quelque chose? Il ne s'en souvenait pas. Mais il fallait bien que ce fût la marquise, puisqu'elle était là, vivante et comme prête à parler, et qu'elle n'y était pas venue toute seule. Seulement, se dit le peintre, jugeant son ouvrage comme il aurait jugé celui d'un autre, le pli de cette lèvre est un peu moins arrêté, la courbe plus gracieuse. Et il retoucha cette bouche, légèrement arquée, dont les souples contours étaient sans cesse devant ses yeux. Ce coup de cygne s'arrondit plus mollement, et il en inclina davantage la courbure harmonieuse. Puis, sans s'en apercevoir, s'attachant à son ouvrage, à mesure qu'il le rendait moins imparfait, couvant du regard sur cette toile la figure de Gelsomina à mesure qu'elle venait y éclore, de ce qui n'était qu'une ébauche, il finit par faire un portrait. Il semblait que ses traits, si profondément gravés dans sa mémoire qu'il les voyait encore en fermant les yeux, eussent appris d'eux-mêmes à se placer sous sa main et à se combiner au bout de son pinceau. Il y a plus, on eût dit qu'à force de les reproduire sur la toile, comme ce type éternellement le même, quoique éternellement varié, qu'on reconnaît dans les Vierges de Raphaël, il fut devenu incapable d'en reproduire d'autres. Âme et pensée, palette et pinceau, tout était sous le charme, tout semblait obéir à cette nécessité fatale qui ramenait invariablement sur la toile la même combinaison de lignes et résumait pour Penny le monde entier dans une seule image. La journée tout entière s'écoula comme une heure dans cette délicieuse occupation qu'on ne peut comparer qu'à celle du poète qui encadre dans ses vers le nom de son amante et rime le portrait que le peintre dessine. Le soir seulement, quand les derniers reflets du soleil, couchés depuis longtemps, eurent cessé d'éclairer sa toile, Penny la quitta comme eux, lentement et à regret, exténué, le cerveau vide, l'œil fatigué de cette longue tension, mais heureux pourtant de posséder sur la toile cette Gelsomina qu'il ne lui était plus donné de posséder autrement. Tous ses projets de travail, tous ses rêves de gloire, étaient déjà évanouis. Peindre Gelsomina, la reproduire sous toutes les formes, continuer à l'infini le drame changeant de sa psyché, c'en était assez pour son bonheur, assez pour sa gloire. Toutes ses fanfaronnades de débauche étaient tombées aussi, comme ses projets de travail, comme ses rêves de gloire, devant le chaste regard de sa Gelsomina. Et comment eût-il osé braver ce regard de vierge et ce front sans tache et sans souillure en sortant tout chancelant des étreintes avinées de l'orgie? De quel front fut-il venu s'asseoir en face d'elle, avec la joue toute salie encore de vin et de baisers? Non, un seul regard de Gelsomina avait fait justice de toute cette ivresse à froid, de toute cette ventrie de libertinage qui était sur sa lèvre, mais qui n'était pas dans son cœur. Sa nuit se passa, non pas comme il se l'était promis, au milieu des fumeux transports de l'orgie, mais à rôder silencieusement sur les remparts de Luc, en essayant de saisir au pâle rayon de la lune le vague profil de la Villa Olivesi. Puis un repos, que le malheureux avait bien gagné, le suivit sur sa couche où des rêves plus consolants l'attendaient pour le conduire doucement jusqu'au lendemain. 15 jours s'écoulèrent ainsi, et il n'en avait pas fallu tant à Penny pour reconnaître qu'il était complètement incapable de rien peindre au monde autre que Gelsomina. Quittait-il ses traits adorés pour essayer une toile plus vaste? La flamme créatrice se retirait de son pinceau que le froid dégoût semblait glacer dans sa main. Le malheureux, athée en gloire comme il l'avait été autrefois en amour, il avait perdu cette foi en lui-même. La dernière religion de l'artiste, celle qui survit à toutes les autres. Il s'étonnait des suffrages qu'il avait obtenus jadis. Il blasphémait sa réputation. Il la reportait tout entière sur ce ravissant modèle qui seul la lui avait faite. Puis, retournait-il à son sujet bien-aimé d'étude, le génie semblait l'attendre à poste fixe à côté de sa toile favorite. Il circulait de nouveau dans ses veines avec le sang et imprégnait comme un fluide magnétique le pinceau obéissant qui entrait en contact avec sa main. au bout de 15 jours, Penny avait fait de la marquise absente un portrait plus ressemblant qu'aucun de ceux qu'il avait laissé d'elle à la villa. Il avait de plus gâté une douzaine de toiles avec ses essais infructueux pour commencer un tableau où la marquise ne figura pas, car elle était partout, se glissant sous son pinceau comme un démon familier, tenace comme un de ces refrains qui nous poursuivent malgré nous, comme un pauvre obstiné qui s'accroche à notre habit. Pour se venger de ses dédains, elle semblait avoir jeté un sort sur lui comme Raphaël. Si elle eût été morte, Penny eût pu croire qu'elle revenait. Enfin, il n'y tint plus, et un beau jour, après avoir achevé et parachevé le portrait de la marquise, véritable chef-d'œuvre que nul œil profane ne devait voir, il jeta sa palette pour ne plus la toucher, lacéra soigneusement toutes les toiles qu'il avait gâtées et fit un auto-da-fé de leurs débris. Puis, quittant son chevalet pour son bureau, où la plume oisive séchait depuis bien des mois, il écrivit la lettre suivante à la marquise. « Signora Marquesina, pardonnez à un homme au désespoir, à un malheureux condamné à mort de revenir encore une fois sur l'arrêt qui le tue, non pas pour murmurer contre lui, mais pour essayer de fléchir son juge. Vous avez eu raison, madame, mille fois raison de me refuser, et moi je suis un insensé, mais tellement insensé, tellement privé de raison, que je ne sais pas même si je suis coupable. On ne reproche pas un aveugle de ne pas voir, un sourd de ne pas entendre. Eh bien, je fus aveugle et sourd, voilà mon crime. Vous vouliez me faire promettre de renoncer à la peinture, je ne l'ai pas voulu. Eh bien, cette promesse que j'ai refusé de vous faire, je l'ai tenue malgré moi. Ce n'est pas moi qui ai renoncé à la peinture, c'est la peinture qui a renoncé à moi. Mon talent, il est permis d'en parler peut-être quand on l'a perdu, mon talent est mort. J'étais un peintre, je ne le suis plus. L'inspiration qui venait de vous s'est retirée de moi. Tu me l'avais donnée, tu me l'as ôtée, dirais-je avec le psalmiste, que ton nom soit béni. Art ou métier, la peinture m'est devenue odieuse. Elle ne veut plus de moi, je ne veux plus d'elle. J'ai brisé mes pinceaux. Je voudrais avoir pour les déchirer tous les tableaux que j'ai faits. Je voudrais qu'un mot de moi pût anéantir toutes les créatures que j'ai fait vivre. Je voudrais que cette main qui se desséchera désormais avant de toucher une palette eût guidé la charrue au lieu d'un pinceau. Oui, malédiction sur l'armenteur qui m'a séduit, sur l'amitié qui encouragea mes premiers essais, sur la gloire qui sourit à mes premiers rêves. Malédiction sur le maître qui me dit, comme Dieu au flot de la mer, tu viendras là, mais tu n'iras pas plus loin. Oh, si l'on pouvait refaire son passé, je voudrais n'avoir rien aimé, ni la gloire, ni la peinture, ni Raphaël, rien, excepté... Vous voyez bien, Gelsomina, que vous n'avez plus de rival dans mon cœur. Maintenant, madame la marquise, c'est à vous de décider si je dois tout perdre à la fois, mon talent et vous, la gloire et le bonheur. Tous deux ne vont pas ensemble, vous aviez raison, j'ai sacrifié l'un, mais est-ce pour perdre l'autre? Ou rendez-moi mes pinceaux que vous avez séchés dans ma main, ou rendez-moi ce que vous m'offriez en échange, donnez-moi encore une fois de choisir entre la peinture et vous. Votre double orgueil de marquise et de femme doit être satisfait. La peinture vous a vengé, j'ai tout sacrifié pour elle, même vous. Le ciel est juste, c'est elle qui s'est chargée de m'en punir. Mais vous, Gelsomina, au nom de ce quelque chose de meilleur et de plus tendre qui se remue peut-être encore pour moi au fond de votre cœur, ne poussez pas au désespoir un homme qui n'a plus que vous au monde, qui se cramponne à son amour comme au dernier débris dans le naufrage. Songez à mon avenir, que vous avez flétri dans son germe, aux longues heures que la peinture ne vous disputera plus, que votre pensée seule remplira, mais vengeresse, inexorable comme vous. Comme le coupable tremblant attendra son arrêt au jugement dernier, j'attends le mien, madame la marquise. D'un mot, vous pouvez, comme l'ange, dans ce jour solennel, donner le paradis ou l'enfer. Si vous n'avez pas pitié de moi, épargnez-moi du moins les tourments de l'attente. Ne me faites pas languir après mon arrêt, je vous le demande, à deux genoux. J'aime mieux un refus que l'incertitude. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que pendant la nuit qui suivit le départ de cette lettre, Penny ne ferma pas l'œil un instant. Le lendemain, de bonne heure, une large missive au sceau de la noble famille des Quadri était déjà dans ses mains avant même qu'il songeât à espérer une réponse. Cet empressement de la marquise à répondre à un message qui demandait au moins quelques heures de réflexion parut à Penny du plus mauvais augure. Un froid mortel le saisit en touchant cette lettre, qu'il y a quelques heures il eût acheté de 10 années de sa vie. Il voulut l'ouvrir, mais un nuage courut devant ses yeux, et sa main tremblante fut forcée de s'y reprendre à trois fois avant de rompre le cachet qui renfermait le secret de sa destinée. Enfin, il y parvint, mais son cœur battait si violemment qu'avant d'être en état de lire un mot, il fut obligé d'appuyer sa main dessus pour en arrêter les battements précipités. La missive était courte, elle contenait trois mots que la svelte et gracieuse écriture de Gelsomina avait soigneusement encadrée au milieu du blanc et large vélin. « Et troppo tardi, il est trop tard. » À la vue de ces trois mots si courts, si énergiques, flamboyants comme les trois mots du festin de Balthazar, le jeune peintre pâlit. Les violentes pulsations de son cœur s'arrêtèrent d'elles-mêmes, une affreuse constriction resserra sa poitrine, un froid soudain courut dans tous ses os. Il crut qu'il allait mourir. Non, quelque impitoyable que fût un orgueil de femme offensée, il n'avait pas entendu tant de rigueur de Gelsomina. Il la savait altière et exigeante comme toute âme qui demande beaucoup parce qu'elle a beaucoup à donner. Mais il ne la savait pas cruelle et sans pitié. Il ne l'aurait jamais cru capable de froisser ainsi à plaisir un cœur d'homme qui se livrait à elle comme le patient au bourreau en lui disant « Fais de moi ce que tu voudras ». Alors, pour la première fois, il maudit cet amour insensé qu'il avait repoussé d'abord, mais qui peu à peu, réchauffé dans son sein comme un serpent, s'était enlacé autour de lui pour lui ôter le libre usage de toutes ses facultés et empoisonner toute son existence. Hors de lui, et sentant presque sa raison chanceler à force de souffrir, il froissa dans ses mains l'insultant arrêt qu'on venait de lui jeter et blasphéma, le ciel lui pardonne, non plus la peinture, non plus Raphaël cette fois, mais son idole, Gelsomina, Gelsomina elle-même. Et puis, le repentir venant aussitôt après l'outrage, il se jeta à genoux devant la divinité qu'il venait de blasphémer, répandit son âme devant elle en larmes et en prières, et reprit, mieux scellé que jamais, le joug qu'il venait de briser. Contradiction bizarre, mais si fréquente dans l'histoire du cœur humain qu'elle finisse par sembler parfaitement naturelle. Que cela donc condamne le pauvre Penny, qui peuvent dire à coup sûr, je n'aurais pas fait comme lui. Puis tout d'un coup, par une de ces décisions rapides, spontanées, qui jaillissent comme une inspiration d'en haut, il faut que je la voie, s'écria Penny. « Tout ce que je n'ai pas pu lui écrire, je le lui dirai. En me voyant si malheureux, elle aura pitié de moi. » Aussitôt, sans attendre ces tardives réflexions qui succèdent toujours pour les glacer à nos meilleures inspirations, sans prendre même le temps d'achever sa toilette ou d'en rendre le désordre plus pittoresque, Penny, avec toute la bonne foi du désespoir, s'élança hors de chez lui. Courant plutôt qu'il ne marchait dans les rues de Luc, il fut bientôt hors de son enceinte et ne ralentit le pas que lorsque les arcades blanchâtres de la villa commencèrent à briller à travers le feuillage gris des oliviers. Là, force lui fut de s'arrêter pour se demander une bonne fois ce qu'il allait faire. « Me recevra-t-elle ? » se dit-il, et son sang échauffé par sa course rapide se figea dans ses veines à cette seule question. « N'importe !» se dit-il en prenant son parti, comme un soldat à l'assaut qui est arrivé sur le bord du fossé. « N'importe !» Il est trop tard pour reculer. Si elle refuse de me voir, eh bien, il sera toujours temps de me briser la tête contre les murailles de la villa ou de me noyer dans sa pièce d'eau, afin qu'elle ne me refuse pas au moins d'y laisser entrer mon cadavre. Et reprenant aussitôt son courage à deux mains, il franchit en deux sauts la distance qui l'en séparait et frappa héroïquement le marteau de la lourde grille. Elle ne s'ouvrit pas, cependant. Un concierge auquel une consigne toute spéciale semblait avoir été donnée s'avança lentement, scrupuleusement, et cherchant à reconnaître d'un œil soupçonneux l'ennemi qui s'avançait. « La signora Marquesa est-elle visible ?» demanda le peintre, d'une voix qui s'efforçait d'être assurée. Le concierge hocha la tête d'un air négatif, où le respect se confondait avec une légère nuance d'ironie. « Visible pour tout le monde, excepté pour votre seigneurie. » Et il s'inclina, pour ne pas rencontrer le regard de haine que lui jeta Penny, heureux de trouver quelqu'un sur qui il put faire tomber cette puissante colère qui l'étouffait depuis une heure. « Allez dire à la signora que j'ai à lui parler pour une affaire importante, » reprit le jeune homme avec hauteur, « et que je réclame l'honneur d'être introduit auprès d'elle. Cette peine est inutile, monseigneur. La signora a prévu le cas où vous vous présenteriez et m'a expressément défendu de vous recevoir. Cependant, ajouta-t-il, en voyant encore une fois l'éclair du ressentiment briller dans les yeux de Penny, J'irai, si cela peut vous faire plaisir. Une pièce d'or pour chacun de tes pas si tu me rapportes une réponse favorable, s'écria Penny. Va vite, et dis bien à la signora. Mais non, elle sait l'affaire qui m'amène. Dis-lui seulement que je suis là, décidé à user comme un mendiant le seuil de la grille à force de m'y asseoir jusqu'à ce qu'elle s'ouvre devant moi. Le concierge s'éloigna, et 10 minutes s'écoulèrent, 10 minutes qui parurent autant de siècles à Penny. Il revint enfin, d'un pas plus lent qu'en s'éloignant, et avec une compassion peut-être sincère peinte sur sa figure. Il ne parla pas, mais un geste de main significatif, et cette interjection si profondément italienne, « Gia », monosyllabe éloquent, entendu de Venise à Palerme, apprirent à Penny qu'il n'y avait plus rien à espérer pour lui. Le coup était rude, mais Penny ne s'abattit point. Il y avait là un œil étranger qui le regardait. Il fit bonne contenance, ne prononça pas un mot, ne se permit pas un geste qui pût livrer sa pensée secrète, jeta au concierge, qui ne souriait plus cette fois, quelques pièces d'or que celui-ci n'avait pas gagnées, et s'éloigna d'un pas ferme et qui sentait son homme de cœur. Mais quand il eut tourné le coin du mur, quand il eut cessé de poser devant le regard de ce bourreau subalterne, qui irait dire à sa maîtresse de quel air il avait reçu le coup mortel, quand il fut seul, enfin, seul avec sa douleur, sans un œil étranger pour y insulter, alors une affreuse angoisse lui serra le cœur, et cette force factice qu'il avait soutenue jusque-là l'abandonna tout d'un coup. Il tomba, plutôt qu'il ne s'assit, sur le bord du fossé de la villa, et pleura comme un enfant, tout en ayant honte de lui-même et de sa faiblesse, et en cachant son front dans l'herbe humide, dont la fraîcheur le soulageait. C'est ainsi qu'il passa le reste de la journée, plongé dans cette muette stupeur qui est aux peines du cœur ce que l'opium est aux peines physiques, véritable léthargie intellectuelle où l'âme, à force de souffrir, s'engourdit sur la souffrance même, sorte de milieu entre le sommeil et l'anéantissement, plus près cependant de ce dernier. Penny, cachée dans l'herbe et laissant passer les heures sans les compter, à peu près aussi insensible que le sol sur lequel il appuyait sa tête, Penny savait vaguement qu'il souffrait, mais il y avait des moments où il ne savait plus pourquoi. Il s'étourdissait sur son malheur, comme un enfant qui s'endort les larmes aux yeux et garde encore dans ses rêves la vague conscience de sa douleur. Et puis il y avait des moments où le sentiment de ses souffrances se ressaisissait de lui avec une telle puissance, où son malheur lui apparaissait si net et si distinct qu'il en avait peur et que sa raison, par intervalle, lui semblait prête à lui échapper. Frêle machine que nous sommes, toute sensation un peu extrême, l'amour, le malheur, le génie, confinent à la folie. Et Penny, plus richement dotée qu'un autre de cette belle et puissante faculté de souffrir, y touche à la fois par tous ses points. Alors les idées les plus insensées, les projets les plus forcenés, passaient devant son esprit comme des tentations infernales, auxquelles il n'avait pas trop de toute sa raison pour résister. Il y avait des moments où il voulait mettre le feu à la villa et enlever Gelsomine à échevelée au milieu des débris fumants. D'autres où il voulait parvenir de force jusqu'à elle et se tuer sous ses yeux. Et puis, au milieu de tous ces lugubres tableaux qu'il combinait avec un sombre plaisir, il songeait, avec cette coquetterie pittoresque et ce besoin de faire effet qui s'associe si plaisamment à un désespoir de poète ou de peintre, à la figure qu'il ferait, pâle et sanglant, en reposant sa tête mourante sur le sein de Gelsomina, qui cette fois peut-être ne le repousserait pas. Ou bien, en franchissant, avec son précieux fardeau dans ses bras, les décombres enflammés, et en repoussant du geste et du regard ceux qui tenteraient de la lui arracher. Puis, honteux de cet enfantillage de la passion, tour à tour stupide ou sublime, il se prenait à rire de lui et de son égarement avec un rire insultant et sauvage. Il avait honte et pitié de lui-même. Il pleurait comme un enfant sur sa propre dégradation en se voyant tomber assez bas pour jouer ainsi avec sa douleur. Au lieu de la porter comme il convenait à un homme ou de la rejeter loin de lui avec la vie. La nuit, cependant, était venue et le malheureux, baigné des humides émanations de la rosée du soir, s'en aperçut enfin en relevant la tête. Le ciel était noir et les ténèbres épaisses comme celles qui pesaient sur son âme. Il n'y avait pas une étoile à l'horizon, pas une trouée de ciel bleu au milieu des nuages, rien qui lui parlât de bonheur et d'espérance, et il s'en réjouit. ce ciel ainsi sombre et rétréci, qui semblait peser sur sa tête, convenait à l'état de son âme terne, sans couleur et sans horizon comme lui. Il se leva, plutôt ranimé qu'abattu par cette longue pause. Il se redressa, en quelque sorte, pour faire face à sa douleur, content de ne plus voir au-dessus de sa tête ce jour qui l'importunait et ce soleil qui lui était odieux. Comme les oiseaux de nuit qu'il entendait sans les voir voltiger autour de lui, on eût dit qu'il se réjouissait du retour de la nuit et qu'il allait, comme eux, recommencer à vivre. Il marcha quelques pas et sentit, plutôt qu'il n'aperçut devant lui, le fossé et le mur de la villa. Aussitôt, par une de ces décisions rapides et spontanées que la passion accepte sans savoir d'où elles lui viennent, l'idée lui vint qu'il n'y avait que ce mur entre lui et Gelsomina, et ce mur était franchi avant qu'il se fût même demandé ce qu'il gagnerait à le franchir. Mais une fois dans l'enceinte de cette villa qu'il connaissait si bien, dont chaque arbre, dont chaque sentier lui rappelait un souvenir, le courage lui faillit tout d'un coup. Cette résolution qu'aucun danger n'aurait pu briser s'abattit tout d'un coup devant le sentier qu'avait foulé le pied de Gelsomina, l'arbuste qu'avait effleuré sa robe, la fleur dont elle avait respiré le parfum. Cette conscience enivrante de se sentir près d'elle, de respirer le même air, de s'abriter sous le même toit, et puis ce passé tout entier qui revenait, avec tous ses doux et amers souvenirs, cette longue et simple histoire de 12 mois de bonheur, plein comme un siècle et court comme une heure, ce je ne sais quel parfum tiède et enivrant que répand dans l'air le voisinage de l'objet aimé, tout fit passer dans les veines de Penny cette molle langueur, plus énervante que le souffle du sirocco, plus contagieuse que l'haleine enfiévrée de la malaria. Il se laissa tomber sur la pelouse, en face des fenêtres de Gelsomina, vaincu, désarmé de tous ses noirs projets, heureux presque et déjà découragé de mourir. Il resta longtemps sans projet, sans pensée, mais fasciné, comme la phalène étourdie, par la faible clarté d'une lampe qui brûlait dans le boudoir, trop heureux s'il eût pu comme elle aller froisser son aile contre les froids vitraux. Pendant ce long hymne du cœur, muet et silencieux, qui montait dans le repos de la nuit vers le sanctuaire d'une divinité, inexorable et sourde comme celle de la fable, la lune se leva derrière la villa. Ses rayons, en laissant dans l'ombre toute la façade et toute la pelouse où se trouvait Penny, passaient par-dessus sa tête pour aller derrière lui argenter l'épaisse et sombre feuillet. En se retournant pour les suivre du regard, une blanche colonnade de marbre, blanchie encore par la clarté de la lune, s'offrit à lui et son cœur la reconnut avant ses yeux. C'était la rotonde de Psyché, la Farnésina du vieux marquis, le premier théâtre de sa gloire et de son bonheur. Un penchant involontaire, et contre lequel il essaya en vain de lutter, attira ses pas de ce côté. Il arriva devant la porte, elle était fermée, mais une fenêtre mal close lui livra passage dans l'intérieur du casino, et ouvrant lui-même toutes les fenêtres du côté du levant, il laissa la pure et douce clarté de la lune tomber à large flot sur ses pages aussi chastes qu'elle. Alors, le croira-t-on, en face de ces fantastiques créations toutes fraîches et closes de son cerveau, et de ce jour non moins fantastique qui semblait fait pour les éclairer, Penny se sentit pris contre son propre ouvrage d'une de ces haines forcenées qu'on comprendrait à peine chez le génie pour une de ses œuvres avortées. « La voilà donc » s'écria-t-il en serrant le poing avec fureur et en faisant voler de la muraille un large éclat de plâtre et de peinture qui emporta, hélas, la plus notable part des ailes de Cupidon. « La voilà donc, cette misérable fresque, qui, pour une vaine gloriole que je méprise, que je foule aux pieds, m'a coûté le bonheur de ma vie. Ainsi elle restera là, éternellement là, pour reparler à la marquise de mon impudence et de ma folie et lui dire « C'est pour cette chaux barbouillée d'huile que l'insensé n'a pas voulu de toi. Voilà la ribale à laquelle il t'a sacrifié. Eh bien, sois vengé, Gelsomina. » Et dans sa fureur, dégainant son épée contre sa propre création, il alla consommer pièce à pièce ce singulier parricide. Mais une pensée l'arrêta. Le sacrifice eût été trop long, trop douloureux peut-être pour les entrailles d'un père. D'ailleurs, il fallait que Gelsomina y assistât. Qu'elle sût qu'il était fait pour elle, qu'elle vit le travail de la destruction s'accomplir et l'œuvre périr sous ses yeux de la main même de son auteur. Il réfléchit un instant comment il pourrait frapper d'un seul coup ce laborieux ouvrage de 2 années, couvé avec tant d'amour et déjà couronné de tant de gloire. Il regarda autour de lui. Les débris de ses échafaudages étaient encore entassés sous le vestibule du casino. Au dehors, sur la verte pelouse, quelques racines, quelques tiges d'arbustes rassemblées en monceaux par les jardiniers et réduites en cendres, suivant l'usage lucquois pour fertiliser le terrain, laissaient encore échapper quelques vestiges de fumée. « Le feu ! Le feu !» s'écria Penny avec une joie sauvage, et s'élançant auprès du monceau de cendres, il eut bientôt déterré sous elle quelques restes de braise qui suffisaient à son projet. Aussitôt, avec un soin et une patience vraiment édifiantes, il commença à transporter pièce à pièce tous les débris d'échafaudage dans le casino et à construire sous chacune de ses fresques un bûcher suffisant pour la consumer ou l'ensevelir du moins sous une épaisse couche de fumée. Plusieurs heures s'écoulèrent dans ce pénible travail et semblèrent des minutes à Penny. Enfin, lorsque tout fut prêt, vers minuit environ, il alla prendre dans le foyer soigneusement entretenu par lui une large poignée de branches enflammées et sans hésiter un instant, sans un regret, sans un remords, il mit le feu au premier bûcher, puis à tous les autres successivement. À peine avait-il fini que déjà la flamme, sans sortir de l'enceinte du casino, dont elle n'avait pas encore atteint le toit, rampait furieuse et échevelée le long de ces fresques admirables qui auraient fait à elle seule la renommée d'un peintre. La blonde et gracieuse tête de Psyché, répétée dans chaque tableau, disparaissait tour à tour de chacun de ces murs où l'amour et le génie avaient su la faire vivre. Les chairs se tordaient, les contours se brisaient, la couleur criait sous le feu et se crevassait en énormes scories où l'œil du plus habile dilettante, l'œil du marquis lui-même, s'il eût assez vécu pour voir ce jour néfaste, n'eût pas aperçu trace d'un chef-d'œuvre. Et cependant Penny, les bras croisés, debout devant l'entrée de ce pandémonium de feu, regardait avec une joie sauvage les progrès de l'incendie. De temps en temps, un éclat de rire convulsif venait tordre sa lèvre, quand un pan du mur tout entier, calciné par la chaleur, se fendait en effaçant tout vestige de la fresque qu'il avait couvert. Du reste, pas un regret, pas une larme, pas une pensée même, pour ces longues années de travail dépensées là, dans cette salle, entre Gelsomina et la gloire qui lui souriait toutes les deux. Pas un souvenir de ce passé, gros de tant de rêves déçus et d'espérances avortées. Pas une aspiration vers cet avenir, riche naguère de tant de promesses. Non, rien que le présent et Gelsomina, qui le regardait sans doute, et qui aurait un regret peut-être. Mais lui, il n'en avait pas. Enfin, les progrès de l'incendie qui le forçait à chaque instant de reculer devant son intensité toujours croissante, et le bruit qu'il entendit du côté du château, l'avertirent qu'il était temps de songer à la retraite. Mais son projet n'était qu'à moitié rempli. Le sacrifice était consommé, il lui restait à en recueillir le fruit. Il se décida donc à quitter le casino et se perdit dans les massifs de feuillage pour échapper aux domestiques qu'il voyait accourir de la villa. Il est temps cependant de revenir à cette pauvre marquise que nous avons perdue de vue depuis si longtemps. Si stoïque que soit une vanité de femme blessée, nous ne prétendrons pas toutefois que la signora eût écrit sans déchirement de cœur à Penny cette sèche et froide lettre, et eût fait sans remords fermer pour lui la porte de sa villa. Nous n'oserons pas même affirmer qu'une fois la lettre partie et la consigne donnée, le regret n'eût pas suivi cette détermination un peu prompte, et que la honte seule et l'orgueil féminin n'eussent pas empêché de la rétracter. Quoi qu'il en soit, jamais soirée n'avait paru aussi longue à la belle veuve, tout habituée qu'elle fût à la solitude. Jamais ces femmes, en la déshabillant, n'avaient trouvé son humeur aussi difficile. Restée seule enfin, elle se promenait à grands pas dans sa chambre, dans le désordre élégant d'une toilette de nuit, frappant de temps en temps avec humeur de son petit pied les soyeux tapis qu'il foulait, mécontente d'elle-même, mécontente du genre humain, mécontente surtout de Penny, et cependant s'en voulant à elle-même de ne pas lui en vouloir davantage. « Il le méritait bien », se répétait-elle à elle-même 20 fois, comme pour apaiser un remords de conscience et faire taire un povero disgraziato qui, soufflé par son cœur, lui venait autant de fois sur les lèvres. Mais bientôt, tout son orgueil de femme se révoltait à l'idée qu'elle pourrait bien avoir aussi quelque tort, et l'avocat secret que Penny avait là sous le peignoir brodé se trouvait encore une fois réduit au silence. tout à coup une longue gerbe de clarté rougeâtre s'élança au-dessus des noirs massifs de verdure et fit pâlir les bougies dans la chambre de Gelsomina. Pâle et saisie, elle s'élança vers la fenêtre. Le casino brûlait. Quelques instants encore, il ne resterait plus rien de cette œuvre merveilleuse qui avait coûté si cher à Penny et à elle. S'il était tableau au monde que la marquise crut détester, c'était cette malencontreuse vie de Psyché, sa rivale, comme la peinture qu'un jeune insensé n'avait su ni lui sacrifier à temps ni lui préférer sans regret. Jamais, depuis la fatale entrevue, elle n'avait remis le pied dans ce casino, maudit comme les souvenirs qui le rappelaient. Eh bien, au moment où elle le vit brûler, il lui sembla que jamais plus poignante douleur n'était entrée dans son âme. Alors, pour la première fois peut-être, elle sut combien elle aimait Penny, malgré toutes ses rigueurs, tous ses dédains affectés, tous ses refus, aussitôt démentis que prononcés. C'était là tout ce qui lui restait de lui, et elle allait le perdre. Là était l'avenir, la renommée, l'existence tout entière de ce pauvre jeune homme qu'elle avait enlevé la peinture et aux riches promesses de son avenir pour le repousser du pied dans la foule dont il était sorti. Et elle lui avait laissé faire le sacrifice pour ne pas l'accepter, et elle s'était jouée de sa candide douleur, de son naïf désespoir. Elle avait joint l'insulte à la cruauté. Elle avait répondu à sa lettre, toute palpitante d'amour, toute humble de repentir, par ces trois mots si froidement cruels. « Et troppo tardi !» Eh bien, ce mot était vrai. Il était trop tard pour la pitié, trop tard pour le bonheur. Gloire, avenir, passé même, Penny avait tout perdu, et l'avait perdu pour elle. Et cependant, s'il put lire au fond du cœur de Gelsomina, Penny se fut trouvée peut-être trop vengée. Cependant, l'incendie continuait, et le toit du casino, en s'écroulant, livrait déjà passage à une longue colonne de flammes. Gelsomina se tordait les mains de douleur à cet affreux spectacle, et cependant, clouée à sa place par une amère curiosité, elle n'osait pas s'éloigner un instant jusqu'à ce que tout fût dit et que Penny n'eût plus rien à perdre ici-bas. Elle sonna, personne ne vint. Tous les domestiques avaient couru au feu sans oser l'avertir, espérant peut-être, pendant son sommeil, lui dérober cette triste nouvelle. Elle était seule, seule dans cette immense villa, en face de l'incendie qui dévorait ce qu'elle contenait de plus précieux. Les yeux fixés sur ce spectacle, où la ramenait sans cesse un horrible attrait, elle s'accusait à haute voix d'injustice et de cruauté, et implorait son pardon de Penny comme s'il eût été là. À cet instant, la clarté de l'incendie, toujours de plus en plus vive, lui fit apercevoir dans les carreaux le reflet d'un homme silencieux et immobile à côté d'elle. Elle se retourna avant même de prendre le temps d'avoir peur, en espérant que tout cela ne serait qu'un rêve pénible que le jour allait dissiper. Cet homme, ou plutôt cette statue, fit un pas et s'agenouilla devant elle. « Madame la marquise n'aimait pas la peinture, » dit une voix qui la fit tressaillir jusqu'au fond de ses veines. « J'ai voulu la délivrer de ce casino comme je l'avais délivrée de moi. A-t-elle d'autres ordres à donner à son humble serviteur ?»« Signor Luca Penny, » dit la marquise en se faisant violence pour ne pas sauter à son cou, « vous êtes un sacrilège. On devrait vous couper le poing comme à un homme qui a profané les choses saintes, ou tout au moins vous enfermer dans une maison de fous. Mais ce pavillon sera rebâti, et vous y recommencerez les chefs-d'œuvre que vous venez de détruire. » « Ma main n'est qu'à ce prix. Entendez-vous, méchant » ajouta-t-elle en fermant de sa petite main potelée la bouche qui voulait protester. Pour cette main-là, Penny eut donné la farnésine de son maître Raphaël et ses loggiers par-dessus le marché. Il se tut et ne protesta plus contre l'arrêt. Il aurait toujours bien le temps d'en appeler. Les domestiques, qui vinrent plus tard annoncer à la marquise que tout était détruit, furent assez étonnés de trouver la Penny, et plus encore peut-être de le voir sourire à la nouvelle qu'il lui apprenait. Il tint bon cependant, et le casino ne fut pas rebâti, mais il garda la villa, et la marquise cette fois ne réclama pas contre le testament. C'est ainsi que se termine le testament du dilettante d'Eugène Rosseux Saint-Hilaire.